Chapitre 23e. Ils partirent pour l'Espagne et s'y promenèrent pendant 3 mois. Roger menait un train de nabab et dépensait comme on mange après être resté longtemps à jeun. Lorsqu'André fit ses comptes au moment de rentrer en France, elle s'aperçut qu'ils avaient semé une 30 000 francs des Pyrénées à Cadix. Une fille de commerçant a toujours de l'ordre, même quand elle s'en cache. Elle fit remarquer à son mari que le seul voyage de noces venait d'absorber les 3/5 de leur revenu annuel. Son père lui avait donné 1 000 000, exposé en or et en liasse de billets sur le bureau du notaire le jour du contrat. Morincourt reçut fort mal l'observation. Il prit son grand air, l'air paladin, comme disaient autrefois ses amis du café de Fleurus, et répliqua avec un peu de hauteur qu'il fallait bien faire quelque chose pour l'honneur du nom. Qu'étant devenue vicomtesse de Morincourt, elle devrait se corriger de certains instincts bourgeois. André se mordit les lèvres et acheta ce jour-là pour 200 louis de bibelots. Le voyage, commencé sous la funèbre impression de la mort d'Henri Mareuil, se termina donc assez mal. Or, quand au retour d'un voyage de noces, on ne s'aime pas un peu plus qu'au départ, c'est un grave symptôme. La jeune femme s'était pourtant ingéniée à mettre l'amour de la partie, ce qui est la seule manière d'intéresser le jeu. Elle tâcha, comme elles font toutes en pareil cas, de se persuader qu'elle adorait son mari, jusqu'à vouloir se donner le change, en essayant de faire honneur au mariage de l'enthousiasme que le pays lui inspirait. Malheureusement, Roger ne la secondait point. Il y a des gens assez sots pour ne pas venir un peu à l'aide qui ne demande qu'à les aimer. Des années passées au quartier latin, le vicomte gardait la fatuité de cet insupportable anima, quel homme à bonne fortune. S'il n'avait point manqué d'habileté tant qu'il s'était agi de gagner les millions d'Hector Passemart, Morincourt se négligeait beaucoup depuis qu'il les tenait. Fier des ravages que ses moustaches et ses mines truculentes exerçaient naguère encore dans le cœur des demoiselles de magasin, il avait perdu l'art des nuances, le doigté délié qui fait les vraies virtuoses dans le maniement de la femme. Content d'exécuter passablement un morceau d'une musique assez vulgaire, il ne distinguait plus entre l'air qui convient à l'une et celui qui doit plaire à l'autre. Il croyait fermement à l'efficacité des mêmes poses, des mêmes œillades, des mêmes tirades, qu'il s'agit de faire voler par-dessus les moulins le bonnet de Mimi Pinson ou de réussir auprès de la marquise d'Amagui. Séducteur de tables d'hôtes, d'omnibus et de salles d'attente, bourreau des cœurs de grisettes sentimentales et de petites mercières incomprises, Roger s'était fait une manière en amour, comme en art ou en littérature, et lui devait trop de triomphes, faciles d'ailleurs, pour être disposé à en changer. Le malheur, c'est qu'il en aurait fallu pour André une toute différente. On conviendra qu'une jeune fille, en donnant sa main, a bien le droit d'exiger que son mari modifie, dans le sens qu'elle indique, les procédés dont il s'est servi jusqu'alors pour plaire à ses maîtresses. Or, la vicomtesse ne trouvait en Roger ni cette chaleur de passion ardente et contenue, ni cette tendresse grave qu'elle avait dédaignée dans Henriot et dont elle eût souhaité maintenant de se sentir enveloppée. Elle devinait vaguement que Morincourt s'aimait trop lui-même pour aimer assez sa femme. Le ménage revint à Paris au commencement du printemps. Le premier soin de Morincourt fut d'acheter un hôtel avenue de Villiers. Non content d'avoir consacré à cette acquisition une somme considérable, il fit exécuter des travaux de toutes sortes qui coûtèrent fort cher. Il s'autorisait, pour jeter l'argent par les fenêtres, d'un mot imprudent de M. Passemart. Un jour que sa fille et son gendre discutaient devant lui un devis formidable, le raffineur, afin de rassurer André, qui montrait un peu d'inquiétude, s'était écrié en frappant sur son gousset d'un geste de parvenu dont il ne pouvait se défaire. « Allez, mes enfants, n'ayez pas peur, papa beau-père est là !» Et comme il était content de l'énergie des assez, à l'ordre, la censure, dont il avait haché ce jour-là le discours d'un député de la droite, il donna 10 000 francs à sa fille et fit cadeau à Roger de harnais et d'un phaéton pour atteler 2 mules andalouses que le vicomte avait eu la fantaisie de ramener. L'été se passa sans incident au Charmy. Morincourt se levait tard, fumait un nombre incalculable de cigares, chassait ou essayait des chevaux avec son beau-frère Maxime, qui commençait à monter une écurie de course, le rêve de toute sa jeunesse. Ils étaient chaque jour en conférence avec des personnages importants, un entraîneur, un jockey, et toutes sortes de gens qui vivent du cheval et sentent l'écurie. André tâchait de se persuader qu'elle ne s'ennuyait point et n'y parvenait pas toujours. Elle était froissée de voir que son mari s'occupa d'elle aussi peu, commençait à trouver les heures longues et l'existence très vide. Elle se prit alors à penser que la maternité la sauverait peut-être du désenchantement qui peu à peu l'envahissait. Elle chercha de jolis noms, Sosthène ou Raphaël pour un fils, Diane ou Lucienne pour une fille. Roger dissimulait mal son dédain pour ses gentils enfantillages, se déclarait très heureux et reprocha vivement à sa femme de manquer de goût, le jour où il l'entendit déclarer que ce devait être un bien grand bonheur de nourrir. Le malheur d'André était de ne pouvoir pas être naturel, et de glisser un peu d'affectation même dans la manière dont elle traduisait un sentiment simple et vrai. L'enfant souhaité n'arriva pas, et Madame Passemart, qui s'était mis en tête d'avoir un petit-fils, ne tarda guère à lancer sur le vicomte ses regards chargés de reproches, dont une belle-mère qui s'impatiente ne manque pas, en pareil cas, de foudroyer un gendre qui ne se presse pas assez. André jugea qu'un petit air de résignation triste convenait à l'état de son âme, et comme elle forçait toujours un peu la note, se donna des mines plutôt de jeune mère qui pleure un enfant que de jeune femme qui regrette seulement de n'en pas avoir. Elle soupirait souvent, restait étendue pendant des heures sur une chaise longue, les mains croisées sur un livre ouvert qu'elle ne lisait pas, le regard vague. Roger, l'ayant trouvé un jour dans cette jolie attitude alanguie, lui fit entendre assez brutalement qu'il n'aimait pas Composa pour la mater de leur Rosa. Andrée, furieuse, donna l'ordre de sceller sa jument, s'en alla galoper seul dans la forêt et ne songea plus désormais au bébé. L'automne les ramena à Paris. Les travaux de l'hôtel étaient achevés. Il y eut pendaison de crémaillère. Roger, du temps qu'il faisait sa cour, parlait volontiers de ses relations du faubourg. Ce soir-là, pourtant, le faubourg ne fut guère représenté que par ceux des anciens amis de Morincourt que celui-ci soupçonna d'avoir un habit ou de pouvoir s'en procurer. Ils arrivèrent qui à pied, qui par le tramway, en bande, car l'invitation du vicomte était l'événement du quartier, et l'on avait résolu la veille, à l'heure de l'absinthe, au Fleurus, moitié par timidité, moitié par gaminerie, de faire la partie d'allée de compagnie avenue de Villiers. Dès la cour de l'hôtel, ils commencèrent à se récrier bruyamment. De sa chambre, André entendait d'étranges épithètes admiratives. Quand elle entra au salon, ils se turent subitement et se levèrent tous ensemble, avec des mines un peu confuses, comme des écoliers quand le maître entre dans une étude où l'on fait du tapage. Ils se tenaient groupés dans un coin, ne sachant plus s'il fallait s'asseoir ou rester debout après les présentations, parler ou se taire, très embarrassés de leurs chapeaux, et se demandant du regard si l'on devait les garder à la main ou les poser. Ils finirent par les mettre sur un même meuble en pyramide avec une gaucherie de grands enfants qui n'ont pas été dans le monde. Ils se poussaient du coude pour prendre de l'assurance et se glissaient à l'oreille, quand la maîtresse de la maison détournait la tête, des plaisanteries salées, d'énormes calembours ou même simplement un gros juron, histoire de se mettre en train. Ces belles tentures, ces tapis, tout ce luxe élégant et discret d'un appartement riche, surtout cette jeune femme qui causait avec aisance, intimidait horriblement ses habitués de brasserie. Tel qu'il n'avait pas peur quand il s'agissait de monter sur un billard et de haranguer le public d'un estaminet, ne trouvait rien à dire lorsqu'André essayait de lui arracher quelques mots. Roger commençait à s'impatienter un peu et à trouver que la petite fête s'annonçait mal. Ce n'était pourtant pas faute d'avoir préconisé à l'avance auprès de sa femme le talent, l'esprit ou l'originalité de ses hôtes. Mais quoi? Le grand poète n'avait pas d'inspiration. Le grand philosophe ne se sentait pas en verve et le grand penseur ne pensait pas beaucoup ce soir-là. Il y avait bien encore un lot de deux grands peintres, de trois grands sculpteurs et d'un grand compositeur. Par malheur, ils restaient muets comme des carpes. Passe encore pour ce dernier. Chacun sait qu'un musicien a son esprit dans les doigts, ce qui ne veut pas dire qu'il en est jusqu'au bout des ongles. Mais les autres, impardonnables les autres. Le dîner rompit la glace, heureusement. On mangea beaucoup, on but davantage. Au rôti, une question littéraire fut mise sur la nappe. Des classiques ou des romantiques, lesquels étaient les plus nuls? On prononça l'ex aequo, car, fit remarquer le philosophe, il n'y a pas de degré dans le néant. Au dessert, le vicomte exposa une théorie qui avait pour barre la nécessité de la transfusion de la modernité dans l'art. Il fut chaleureusement approuvé. La conversation continua, très animée, au salon. Ils parlaient maintenant tous à la fois, sans s'écouter, mais en ayant l'air de s'approuver les uns les autres, sûrs qu'ils étaient d'appartenir à la même église, d'avoir les mêmes enthousiasmes de commande, les mêmes haines d'impuissants, les mêmes jalousies féroces d'incompris. Ils se retirèrent enfin vers minuit, et Roger, flatté des compliments qu'on lui avait faits sur sa femme, sa table et sa cave, annonça l'intention de donner de loin en loin une soirée littéraire. « Soit, répondit André, mais si vous invitez à la prochaine vos amis du Faubourg Saint-Germain, je vous conseille de faire prendre à vos amis du boulevard Saint-Michel quelques leçons de maintien. » « Je ne vous savais pas si prude, ma chère, » répondit-il sèchement. « Rassurez-vous, c'est dans mon atelier désormais, non plus dans votre salon, que je recevrai qui bon me semblera. » « J'essaierai de m'en consoler, comme de beaucoup d'autres choses, » répliqua-t-elle avec vivacité. À quelque temps de là, M. Passemart parut soucieux, agité. Ses affaires allaient mal, en effet. Lors du mariage d'André, Maxime avait déclaré qu'il entendait être traité sur le même pied que sa sœur. C'est 2 millions que le raffineur avait dû déplacer au lieu d'un. Les chevaux et les paris de course avaient déjà dévoré les 3/4 du capital qu'il avait eu, par vanité, l'imprudence d'abandonner à son fils. Maxime commençait à crier misère et élevait la prétention de se faire aider par son père, comme André. Or, Passemart, en qualité de membre du conseil d'administration d'une société financière en déconfiture, venait d'être condamné à payer aux actionnaires une énorme indemnité de 800 000 francs. En tenant compte des frais considérables de son élection, sa fortune avait donc en un an subi une baisse de près de 3 millions. Si riche que l'on soit, il y a là matière à réflexion. La vente de ses 2 fermes ne rétablit pas l'équilibre de son budget. Il perdit 30% sur le prix d'achat. L'industrie sucrière traversait malheureusement alors une crise assez grave. En 6 mois, les revenus de la raffinerie diminuèrent de moitié. Hector profita d'un dîner de famille pour mettre sa femme, ses enfants et son gendre au courant de la situation. Il fit comprendre que Maxime et André ne pourraient plus désormais puiser dans sa bourse. « Tu aurais bien dû alors te dispenser de nous encourager, mon mari et moi, à faire de la dépense, » s'écria André avec aigreur. « À peine 25 000 francs de rente qui nous restent, et un hôtel sur les bras, nous voilà bien partagés. » Le pauvre homme courba la tête sous le poids de ce reproche, que son imprévoyance et sa légèreté méritaient si bien. Mais Morincourt déclare avec noblesse que sa femme lui faisait injure, en affectant de ne pas compter sur lui. Il avait sa plume et ses pinceaux, que diable! S'il n'avait pas beaucoup travaillé, oh non, depuis son mariage, c'est le voyage de noces, les visites, les déplacements, les soucis d'une installation qui l'avait condamné à l'oisiveté. Oisiveté féconde d'ailleurs, car il avait eu le temps de penser, sinon de l'occasion de produire, et il se sentait plein d'idées. Il allait se remettre à l'œuvre tout de suite, dès le lendemain, et l'on verrait. Il parlait avec tant de conviction que sa belle-mère l'aurait embrassé. André elle-même fut émue et lui tendit la main, qu'il baisa galamment. Pendant 1 heure, il parla de ses projets, de ses succès prochains, de sa réputation qui allait établir au nez et à la barbe des envieux, de l'argent qu'il ne pouvait manquer de gagner. Il entassait Pélion sur Ossa. Sa belle-mère ouvrait de grands yeux. Sa femme assistait avec plaisir au réveil de cette ambition qui lui plaisait dans un homme et qu'elle avait, depuis plusieurs mois déjà, la déception de ne pas trouver en son mari. Les petits nuages qui commençaient à assombrir l'horizon du jeune ménage parurent dissipés, et comme il arrive parfois, une sorte de seconde lune de miel sembla se lever au-dessus de leur tête. Roger avait déclaré qu'il ferait désormais 3 parts de sa vie, la matinée à la littérature, l'après-midi à l'art, la soirée à sa femme et au monde. Malheureusement, l'inspiration était récalcitrante, ça n'allait pas. Pour se consoler de ne pouvoir exécuter les 2 premières parties de son programme, il renonça à la 3e et se mit d'un cercle artistico-littéraire sous prétexte qu'il avait besoin de se tenir au courant, de rester dans le mouvement et passa la plupart de ses soirées dehors. André ne fit point d'observation, mais se promit bien de ne plus être dupe des beaux élans de Roger. Un soir qu'il dînait boulevard Malesherbes avec quelques personnes étrangères, Passemart demanda tout à coup « Eh bien, mon gendre, comment va la grande pièce? Avance-t-elle? » « Certainement, » répondit vivement André, avec cette générosité de femme qui se jette en avant pour couvrir son mari et entretenir chez les autres les illusions qu'elle-même a perdues. « Il y a une nouvelle scène. Si vous voulez, Roger vous la récitera au salon. N'est-ce pas, mon ami, vous allez nous dire la tirade du 3e acte ?» Morincourt ne se fit pas prier. Il y avait de grands éclats de voix. De terribles jeux de physionomie, il déclama le couplet demandé. Le héros, personnage sombre, fatal, un révolté en lutte contre la société, le cerveau hanté de rêves malsains, exposait ses aspirations d'halluciné. Ah, fumer l'opium dans un crâne d'enfant, les pieds nonchalamment allongés sur un tigre. Madame Passemart eut un frisson, car le vicomte accompagnait d'un rictus véritablement démoniaque l'expression de ce vœu bizarre. Est-ce que vraiment ton mari a de ces idées-là? Dit tout bas cette mère effrayée. Mais non, répliqua sa fille avec impatience, c'est de la littérature. Eh bien, veux-tu que je te dise? Il ferait mieux de te donner un bébé que de faire fumer ces personnages dans des crânes d'enfants. André rentra fort mécontente de sa famille et des amis qui avaient passé la soirée chez son père. Décidément, la grande scène n'avait pas porté. Roger n'avait eu aucun succès, à moins que ce n'en soit un de frapper les gens d'une sorte de stupeur. Elle s'en rendait compte, bien mieux que son mari, qui disait superbement « Vous conviendrez, ma chère, que j'avais un auditoire un peu bien bourgeois. Néanmoins, avez-vous vu comme je les ai empoignés ?»« Oui, » répondait la jeune femme d'un air distrait, et elle pensait « Qui a tort? D'eux qui ont évidemment jugé cette scène détestable, ou de moi qui la trouvais bonne? Est-ce que je me serais trompée ?» Le lendemain, elle prit le manuscrit du drame sur le bureau de son mari et parcourut les trois actes déjà faits, le quatrième seulement commencé. Jusqu'alors, elle ne connaissait de l'œuvre que des fragments déclamés par Roger. À la lecture, l'esprit critique a plus de clairvoyance. Quand elle eut fini, André resta perplexe, car tout en étant guidé par un goût médiocrement sûr, son jugement n'était pas tellement faussé qu'elle ne put, en s'appliquant, discerner à la fin la médiocrité prétentieuse qui, de prime abord, lui donnait presque toujours l'illusion de la force et de l'originalité. Toutefois, elle ne voulut confier ses doutes à personne. Elle s'ingénia même à se persuader et à persuader aux autres que son mari était un écrivain de haute valeur. Quand elle devait avouer que la fameuse pièce n'avançait guère, elle essayait de sauver Roger du reproche de paresse, d'impuissance même, que M. et Mme Passemart n'hésitaient pas à diriger contre leur gendre en fournissant de rassurantes explications. Elle n'avait point pour mari un homme ordinaire. Roger ne savait pas travailler à heure fixe. Comme un bureaucrate ou un manœuvre, il était si artiste. « Si artiste! Si artiste !» criaient les deux Passemart en fureur. « En attendant, il se goberge, il se prélasse dans ta dot et te ruine. C'est un raté, entends-tu bien? Un raté. Ah, si nous avions su! Ce n'est pas ce brave Henriot qui se serait ainsi conduit. Quel malheur que tu n'aies pas épousé au lieu de ce vicomte !» Ils oubliaient qu'une demande de Jacques eût été 18 mois plus tôt, dédaigneusement repoussée par eux, qui regrettaient maintenant de ne l'avoir pas pour gendre. Et l'éternelle doléance du bourgeois vaniteux, victime de son engouement pour la noblesse, recommençait. Ces scènes étaient horriblement pénibles pour André. Elle se répétait avec rage ce terrible mot de raté, et se sentait blessée au plus profond de son orgueil par cette pensée que ses parents n'étaient peut-être pas seuls à l'appliquer au vicomte. Elle conduisit son mari dans le monde. Elle voulait le montrer, l'imposer, lui ménager de petits succès de salon. Elle éprouvait le besoin d'entendre dire qu'elle avait épousé quelqu'un, car elle-même se mettait maintenant à en douter, malgré les efforts désespérés qu'elle faisait pour s'en convaincre. Tandis qu'il exposait ses théories verbeuses, qu'il parlait de renouveler l'art et de le vivifier, avec la prédilection qu'il avait pour ce beau thème à développement, André épiait les visages, tâchait d'y découvrir la trace des sentiments intimes de chacun. Quand il avait récité quelques fragments de ses poésies ou de son drame, elle tendait l'oreille avidement et s'appliquait à distinguer, dans le murmure discret des commentaires qui s'entrecroisaient après les applaudissements obligatoires, l'approbation et le blâme, les éloges ou les railleries. Quand il arrivait qu'elle surprit quelqu'une de ces épigrammes acérées qu'on se passe de main en main dans les salons, André en perdait leur peau pendant plusieurs jours et se montrait nerveuse et irritable, lançait à son mari des regards dédaigneux que celui-ci ne comprenait pas, car sa robuste fatuité ne lui permettait de concevoir le plus petit doute ni sur sa valeur, qu'il jugeait immense, ni sur son succès auprès des autres, qu'il croyait fermement égal à celui qu'il obtenait auprès de lui-même. Par malheur, la clairvoyance de la jeune femme augmentait de jour en jour à étudier ainsi son mari. À peine osait-elle s'avouer, car ce souvenir n'allait pas sans une sorte d'effroi, que Morincourt ne savait pas exercer sur elle cette sorte de séduction intellectuelle où excellait Mareuil. Lorsqu'une femme qui n'est point sotte a rencontré un homme de vrai mérite et vécu un peu en communion avec lui, elle possède la vertu de la supériorité et ne peut guère échapper à la tentation de s'en servir pour honner les autres. Ce qui l'entraîne à constater des différences de taille, qu'elle n'eût peut-être point remarqué auparavant, faute d'avoir de quoi faire passer les gens sous la toise. Or, si depuis longtemps déjà, Roger semblait à sa femme petit par le cœur quand elle le comparait à Jacques, voici qu'insensiblement elle commençait à le trouver petit par l'intelligence lorsqu'elle le comparait à Mareuil. Vers la fin de décembre 1878, le quatrième acte étant achevé, Morincourt porta son drame au comité de lecture de la Comédie-Française, qui le lui renvoya 8 jours après. « Je m'en doutais, » dit Roger en recevant le manuscrit. « C'est trop fort pour eux. J'étais sûr qu'ils ne verraient pas la portée philosophique de mon œuvre. » Peut-être alors eût-il mieux valu ne point la leur soumettre, et vous épargner ainsi un, comment dirais-je, un ennui. Bah, je me passerai bien d'eux. Notez qu'ils ont pris les devants en se passant de vous. L'Odéon, qui est un peu, comme on sait, l'infirmerie de la Comédie-Française, quitte à achever les malades que celle-ci lui envoie, se montra plus clément. La pièce fut distribuée, apprise, répétée en quelques semaines. Le jour de la première arriva. Le vicomte était plein de confiance. Il avait vu dans la salle un assez grand nombre de connaissances d'autrefois, causées dans les couloirs avec les plus intimes et recueillies des félicitations de bon augure. On savait que l'auteur était un ancien du quartier. Le patriotisme local ne laissait pas d'être intéressé à un succès qui devait rejaillir sur la rive gauche tout entière et la venger des dédains que lui témoigne la rive droite. Le rideau n'en descendit pas moins, après le premier acte, sans que le public manifesta une impression autre que cette sorte de stupeur, où les gens qui ont l'expérience des choses du théâtre reconnaissent l'approche de l'orage. Au second acte, l'un des personnages, parlant des lèvres de la femme qu'il aime, les qualifiait de muqueuses de corail. Des carabins applaudirent çà et là afin de marquer l'approbation qu'ils accordaient à certaines tendances scientifiques dans cette ingénieuse expression, n'était point d'ailleurs le premier indice. Mais quelques personnes, moins habituées aux salles de clinique et aux amphithéâtres de dissection, se permirent de sourire ou de chuter discrètement. 2 scènes plus loin, le héros terminait une longue imprécation contre la société, contre la vie en général, par le vœu de sortir de ce monde au plus vite. Et d'aller dans l'infecte et mordante mixture de sciure de bois, de son et de phénol, jouir de la paix des morts sans crainte, du hoquet gargouilleur qu'ils ont en se vidant. L'école de médecine trépigna d'enthousiasme, mais tout ce qui, même sans appartenir à celle des beaux-arts, gardait quelque souci du goût ou simplement de la propreté littéraire, protesta énergiquement. Les amis de Morincourt essayèrent vainement de lutter. Ils furent écrasés sous le nombre. La tempête redoubla au 3e acte, lors de la scène qui avait affligé Madame Passemard. Elle provoqua au parterre et aux 3e loges l'indignation d'une foule de petits boutiquiers, amis de la littérature sans doute, mais bon père de famille ou mère sensible, qui ne purent admettre qu'on eût, même en vers, l'idée de fumer l'opium dans des crânes d'enfants. Cette portion hésitante et honnête du public se jeta du coup dans l'opposition, qui se trouva grossie dès lors d'un formidable appoint de sifflets stridents, de cris de coq et de hurlements variés. Le drame se termina au milieu d'un vacarme de ménagerie en révolte. Un voyou malicieux cria d'une voix aiguë, qui domina le tumulte, « L'auteur !» L'intention perfide du Gavroche fut aussitôt comprise. Il se fit un grand silence quand un des acteurs reparut devant la rampe et nomma Morincourt. Les huées et les sifflets éclatèrent alors avec plus de fureur qu'auparavant, à ce point qu'une vieille ouvreuse, dont les jugements faisaient autorité, déclara que depuis 25 ans, elle n'avait jamais rien vu de pareil. « Pas même à Gaetana, Madame Chanoine ?» dit une des compagnes de la vénérable Sibylle pour faire de l'érudition. « Non, madame, » lui fit-il répondu. Pas même à Gaetana, et encore. À Gaetana, c'était un coup de cabale, car il y avait du talent. Tandis que ce soir, c'est un four. Vous pouvez m'en croire, je connais mon public, madame. Un vrai four, quoi. » C'est le mot qui accueillit André à la sortie de sa baignoire. Depuis le lever du rideau jusqu'à la fin, elle avait tout vu, tout entendu, surtout. Pas un sifflet qui n'eût déchiré son oreille, pas un sarcasme du parterre qui n'eût blessé cruellement son amour-propre. De honte, elle s'était rejetée au fond de la loge, poursuivie implacablement jusque dans cette ombre où elle cherchait à cacher son humiliation, par les cris de la foule irritée et cruelle. Son père, sa mère, consternés, ne trouvaient rien à dire et restaient muets devant le désastre. Morincourt avait d'abord essayé de braver et de tenir tête à l'orage. Il ricanait, haussait les épaules, parlait de l'incurable stupidité du public, sans que personne lui répondît, pas même son ami Maxime, encore plus ahuri ce soir-là que d'ordinaire. Le malheureux poète ne put longtemps soutenir ce rôle. Il se sentit peu à peu gagné par le découragement. Le malheur rend l'homme tendre. Roger se rapprocha de sa femme et essaya de lui prendre la main. Mais elle recula sa chaise nerveusement et retira sa main d'un mouvement brusque. Faute de cette pression consolatrice qu'il sollicitait, Morincourt se sentit horriblement seul, perdu dans sa détresse et souffrit davantage. Elle n'avait que de la colère et point de pitié. Ce n'était pas au public, mais à son mari qu'elle en voulait surtout. Pâle et crispée, la jeune femme descendit l'escalier au bras de son père sans parler. Des groupes stationnaient encore sous le péristyle. On causait de la pièce, on rappelait des vers, on riait aux éclats. Jusqu'à la voiture, André fut poursuivi par l'écho de cette chute retentissante. Pendant le trajet de l'Odéon à l'avenue de Villiers, elle n'ouvrit pas la bouche, ne trouva pas un mot du cœur pour adoucir l'amère déception de Roger. Son irritation contre lui allait si loin que, injuste jusqu'à la cruauté, comme le sont en pareil cas les femmes quand elles ne se montrent pas généreuses jusqu'à l'héroïsme, la vicomtesse reprochait presque au malheureux vaincu de ne point s'excuser de sa défaite auprès d'elle, qui ne faisait rien pour l'en consoler. À l'hôtel, Morincourt essaya de lui parler. Il se plaignit de ne pas être réconforté et soutenu dans cette épreuve par celle dont le devoir eût été de prendre sa part du malheur qu'il frappait. Malheur immérité d'ailleurs, et dû à l'intervention perfide d'une cabale montée par ses ennemis. On verrait bien, aux représentations suivantes. André haussa légèrement les épaules et continua de donner sur la table de petits coups avec un couteau à papier, tout en se balançant sur sa chaise. Son air dédaigneux, son silence obstiné, fournirent à Roger l'occasion de se mettre en colère. Véritable aubaine pour un homme dont l'amour-propre blessé crie vengeance contre n'importe qui ou n'importe quoi. Une scène violente éclata entre les deux époux. Des mots aigres, ils en vinrent aux paroles inoubliables, qui laissent un souvenir cuisant comme une brûlure. Il reprocha à André sa vanité, sa coquetterie, sa famille même, l'origine de la fortune de M. Passemard, et jusqu'aux pertes d'argent que son père avait subies. La jeune femme exaspérée riposta avec une extrême vivacité à ses odieuses récriminations. « Si vous vous êtes trompé sur ma fortune, disait-elle, je me suis trompé moi sur votre valeur, nous sommes quittes. De nos deux déceptions, la mienne est la plus grande, car de ce que vous cherchez en moi, l'argent, il reste quelque chose. » Les 500 000 francs que vous n'avez pas encore dissipés. De ce que je croyais trouver en vous, au contraire, talent et réputation, il n'y a jamais rien eu. Croyez que mes regrets ne sont pas moins vifs que les vôtres. » Et après l'avoir toisé d'un regard méprisant, elle rentra dans sa chambre, tandis que Morincourt, blême de fureur, résistait avec peine à la tentation de se jeter sur elle et de la battre. Pendant quelques jours, ils évitèrent de se parler. Puis, comprenant que cette situation joignait à l'inconvénient d'être ridicule, le danger de faire jaser autour d'eux, ils se réconcilièrent du bout des lèvres, et si leur ménage, après cette crise, ne donna à personne l'illusion d'une union très étroite, il ne parut pas non plus en détresse. Beaucoup de ménages parisiens en sont là, fêlés, non brisés. Avec de la prudence, on parvient à les faire durer encore assez longtemps, comme ces carreaux étoilés par un choc, qu'on craint de voir tomber à tout moment et qui résiste à plus d'un coup de vent. La semaine suivante, il y eut dîner de famille chez Madame Passemard. Le repas terminé, on passa au salon que ces messieurs quittèrent bientôt pour aller fumer dans la salle de billard. Madame Passemard se mit à son métier tandis que sa fille s'allongeait, rêveuse, dans un fauteuil. La porte s'ouvrit tout à coup et un domestique annonça « Monsieur Jacques Henriot ».